tu me laisses en question un problème. Si je ne trouve pas la solution, la terre tournera quand même. Chacun vrai ma destination, en me trompant mais tant pis. Chaque leçon m'apprendra ainsi que je suis. Jamais de tourment, toujours pas sous crack des cracks. Dès le plus jeune âge, l'intelligence d'un super homme dans un cerveau de jeune homme. Petit mais sans égal, ses talents sont de balles colossales. Moi j'aime bien le but.